بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن نسوم toujours dans l'étude de la risala du Cheikh Abdallah Soumali حفظه الله تعالى، l'interdiction du fait d'étudier chez les gens de l'innovation et du doute. Nous sommes au 21e chapitre. Bab hukm taswiyati ahli al-haqq bi ahli al-batil. Ce 21e chapitre, son titre c'est c'est quoi le jugement de celui qui met à pied d'égalité les gens de la vérité et les gens du faux. Qala ta'ala afa naj'alu al-muslimina kal-mujrimin. Il est dit dans le verset, est-ce que nous allons faire que les musulmans mettent à pied d'égalité les musulmans et les criminels ? وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Il est dit dans l'autre verset, est-ce que nous allons faire que ceux qui ont cru fait bonne œuvre soient comme ceux qui font du mal sur terre ? Est-ce que nous allons faire que ceux qui préservent le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala soient comme les pervers ? Ebeden, il n'y a aucune comparaison entre les deux. Une grande différence entre ceux qui font le mal sur terre, quoi plus de mal que d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un grand mal, le fait d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que n'est pas permis, ou de dire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que Allah subhanahu wa ta'ala a des choses sur lesquelles on n'a aucune preuve. Ça, c'est un énorme mal. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Il dit dans l'autre verset, est-ce que ceux qui ont fait des mauvaises choses et qui ont fait السيئات, le mal, croient que nous allons les mettre comme ceux qui ont créé fait bonne œuvre, que ce soit dans leur vie ou que ce soit dans l'au-delà? C'est impossible. Et encore, un grand mal, le plus grand des mâles sur terre, c'est d'innover. Bien sûr, il y a d'autres. Le mal est divers. Mais grand mal aussi fait partie du grand mal. C'est le fait de. Alaykoum salam wa rahmatullah. Le fait de d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de faire n'importe quoi dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala wa ma yastawi al-a'ma wal-basir wala adh-dhulumatu wala an-nur wala adh-dhillu wala al-harur wa ma yastawi al-ahya'u wala al-amwatu inna Allaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fi al-qubur. Et dans l'autre verset, il dit, est-ce qu'ils sont égaux, l'aveugle et celui qui voit? Abadan. Est-ce que les ténèbres sont comme la lumière? Abadan. Est-ce que l'ombre c'est comme plein soleil? Abadan. Est-ce que les vivants sont comme les morts? Non. Allah subhanahu wa ta'ala fait écouter qui il veut, et toi tu ne peux pas faire écouter les gens qui sont dans leur tombe. La même chose, tu peux te poser la question, est-ce qu'ils sont égaux ceux qui sont sur la sunna et ceux qui sont dans l'innovation? Abadan. Il y a une énorme différence entre eux. La différence qu'il y a entre le jour et la nuit. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Et dans ce verset, Allah il nous donne des exemples. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple d'un esclave qui ne peut rien faire. Un esclave, un serviteur qui est esclave chez quelqu'un, mais il ne peut rien faire. Hein? Et l'exemple de quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de la subsistance, de la bonne subsistance, il dépense en public et en privé. Est-ce qu'ils sont égaux? Louange à Allah, beaucoup de gens ne savent pas. C'est impossible qu'il soit. Allez, il ne peut rien. Hein? C'est un esclave, il n'est même pas libre. L'autre, hein, c'est un serviteur de Allah, en plus Allah lui a donné beaucoup de biens. Il les dépense en public et en privé, dans le bien. Jamais ils vont être égaux. Hein? Et Allah a donné l'exemple de deux hommes aussi. Un, il n'entend pas, il ne parle pas. Il ne peut rien faire. C'est une charge pour son maître. C'est une charge. Là où il le dirige, il ne fait pas le bien. Il ne ramène aucun bien. Il ne fait aucun bien, il ne peut rien. Wa alaykoum salam. Est-ce qu'il va être à pied d'égalité avec celui qui ordonne le bien, qui est sur la voie droite? C'est impossible. Donc si on lit le Coran et on le médite comme l'ont médité le puiseur d'Allah Alim, la situation va être claire devant nous. Comme quoi il y a une énorme différence entre ceux de l'innovation et les gens de la Sunna. Et comme quoi on ne peut pas les mettre à pied d'égalité. Et quoi de plus grand mal, hein, que d'aller étudier chez les gens de l'innovation parce que tu les mets à pied d'égalité avec les gens de la Sunna. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salamu ala afiha. وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Il y a un autre exemple qui dans ce verset aussi, Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple d'un homme dans lequel il est la propriété de beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord. Il y a un homme qui est libre. Hein? Est-ce qu'ils vont être égaux? Pas possible. Hein? La louange est à Allah, mais beaucoup de gens ne savent pas. وقال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Et il dit dans notre verset, ne seront pas égaux les gens de l'enfer et les gens du paradis. Les gens du paradis, ce sont les gagnants. وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Et il dit dans notre verset, est-ce que celui qui est croyant et comme celui qui est pervers ne seront jamais égaux أبدا. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Et dans l'autre verset, c'est celui qui est constamment dans l'obéissance à Allah et dans la nuit il se prosterne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a peur du châtiment et il espère la clémence min Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ne se rappellent que ceux qui sont doués de raison. Yaqul al-Sheikh Hafidhahullah. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أكثر هذه الآيات ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق وأهل الباطل وأهل الطاعة وأهل المعصية وأهل البر وأهل الفجور وأهل الهدى والضلال وأهل البغي والرشاد وأهل الصدق والكذب. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى dans son noble livre العبودية comme le cite Cheikh Sidi, hein. Après qu'il a cité ces versets et les versets qui sont similaires à ce verset, hein, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala fait la part des choses entre les gens du vrai et les gens du faux, les gens de l'obéissance et les gens de la désobéissance, les gens de la dévotion et les gens de la perversité, les gens de la guidée et les gens de l'égarement, les gens qui sont bien orientés et ceux qui ont dépassé leurs limites, les gens qui disent la vérité et les menteurs. يقول شيخ الإسلام فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام كما قال تعالى تالله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. Le cheikh l'islam, celui qui atteste de la réalité universelle, c'est-à-dire la réalité de cet univers, il atteste juste, il voit que ça, la réalité de cette existence et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister, sans voir la réalité de la religion et de la législation, ben il va mettre à pied d'égalité toutes ces catégories. Hein? Il va mettre à pied d'égalité toutes ces catégories pour lesquels Allah subhanahu wa ta'ala fait la différence entre elles. Hein? Et le fait de les mettre à pied d'égalité, et mettre à pied d'égalité les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a séparées, va l'amener jusqu'à mettre à pied d'égalité à Allah et les statues, ce qui s'adore en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est dit dans le verset, par Allah, hein, nous étions dans un égarement clair, comme nous vous mettions à pied d'égalité avec le souverain des mondes. Donc, hein? Et pas loin de cet esprit là tu regardes maintenant, tu as des fois un de tes frères dans le quartier avec lequel tu as grandi, avec lequel tu jouais le foot avec, etc. Et peut-être il a appris l'arabe, il a appris quelque chose, il a quelque chose à donner, mais seulement il est dans la déviation et tu vois, tu ne veux pas t'en séparer. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais prévaloir? Le sentiment de la liaison. Et les sentiments d'autrefois, ce qui te liait avec lui durant ton enfance, hein, là, tout ce que vous avez pu faire ensemble, etc., prend le dessus sur la réalité de la religion. La religion veut de toi qu'il y ait une séparation entre vous deux. Mais là, tu fais prévaloir les sentiments. Hein? Ils prennent le dessus. Et les sentiments, comme disent les hommes de science, c'est les sentiments ne sont pas conditionnés avec la parole d'Allah et la sunna du prophète, avec la compréhension du plaisir d'Allah, il devient des tempêtes. Ce n'est plus des sentiments. Al-awatif tusbihu awasif illam tuqayyad bi kitabillah wa sunnati al-mustafa wa fahmi as-salaf radhiyallahu alayhim. Il devient des tempêtes, il dévaste tout. Parce que ils prennent le dessus sur la vérité et sur la voie sur laquelle normalement tu dois être. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى ففي الدراسة عند أهل البدع تسوية بين أهل السنة وأهل البدع هذا إذا اعتقد أن مدرسه على بدعة وإلا ألحق بمدرسه والله أعلم. Il dit, dans le fait d'étudier chez les gens de l'innovation, il y a le fait de les mettre à pied d'égalité avec les gens de la sunna. Ça, quand il, hein, il croit que son professeur est sur une innovation. Et sinon, on l'attribue à lui. Il est comme lui. Et sauf Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est. Hein? Donc, très dangereux d'apprendre chez les gens de l'innovation. Hein? On ne se rend pas compte les dégâts. Tu as vu maintenant, on est au 22e chapitre maintenant, et regarde tout ce que ça amène et toutes les preuves de la parole d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète qui te montrent le danger d'apprendre ces légendes de l'innovation. Tu dois t'en éloigner. Bab al-bab tani wa al-ushrun bab tahrim mu'ayashat al-dhalama wa isti'adhat al-mu'minin minha. Le 22e chapitre, l'interdiction de cohabiter avec les gens justes et que les croyants doivent chercher refuge auprès de Allah pour les protéger de ça. Hein? Quoi de plus, hein, injuste, c'est de cohabiter avec un innovateur et de tromper avec lui, et de sourire avec lui, de l'inviter, de rigoler avec lui, de jouer au foot avec lui, de faire des matchs avec lui, et ainsi de suite, d'aller faire des balades avec lui, et ainsi de suite, d'aller faire les courses avec lui, etc., etc. Ah, faut qu'on se réveille, ikhwat al-islam. Il en va de notre religion. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Il dit dans le verset, ce verset passez avec nous, ceux quand au moment de la mort, au moment les anges de la mort viennent leur prendre le rame, alors qu'ils étaient injustes avec envers eux-mêmes. Hein, quand la question leur sera posée, ils disent, nous étions faibles sur terre. Il leur sera dit, est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour que vous y immigrez? Cela, leur demeure, sera le feu de l'enfer. Sallallahu subhanahu wa ta'ala sallam wa l'afiyah. Wa qala ta'ala, fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi dhalimin. Et il dit dans l'autre verset, ne reste plus, après le rappel, après l'épreuve, ne reste plus avec les peuples injustes. Et fait partie de l'injustice le fait d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'enseigner l'innovation à l'islam. وقال تعالى وإذ صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Et les croyants demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les éloigner des injustes. Et il dit dans le verset, quand ils jettent leur regard vers le feu de l'enfer, ils disent, oh Allah, ne mets pas avec les peuples injustes. وقال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Et dans le verset, il leur a posé la question, pourquoi vous combattez pas sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et les faibles parmi les hommes, parmi les femmes et les enfants disent, ô souverain, sors-nous de cette ville, de cette cité, dont les habitants sont injustes, hein, et donne-nous un allié de ta part, hein, et quelqu'un qui nous fasse triompher. ويأتي إلى الباب الثالث والعشرين وجوب تمييز أهل الحق عن أهل الباطل. Le 23e chapitre, c'est l'obligation de particulariser les gens de la vérité des gens du faux. Il faut que les gens de la vérité soient particuliers là où qu'ils soient. Cette vérité doit se voir. Ils doivent être particuliers à tous les niveaux. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الفرسي راه لا ساجيز الله سبحانه وتعالى هو qu'il ne laisse pas les croyants dans la même situation que les autres. Hein? Pour qu'apparaît le pur de l'impur. Et la perfection des choses, les choses sont faites à la perfection de Allah subhanahu wa ta'ala, hein, fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas voir l'invisible à ses serviteurs. Mais il élève ses messagers. Hein? Ce qu'il veut, il élève parmi ses messagers ce qu'il veut. Croyez en Allah, en son messager, et si vous croyez et vous préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez la meilleure des récompenses et la plus grande des récompenses. Donc, hein, la part des choses doit être faite entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre l'égarement et la guidée, entre la sunna et l'innovation. Et entre le monothéisme et l'associationnisme, entre tout ça, la part des choses doit être faite. tout doit être clair et clarifié. Hein? Et celui qui est sur la sunna doit être clair de loin. وقال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Il est dit dans l'autre verset pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse la part des choses entre le pur et l'impur. Et que l'impur, que ce soit parmi les actes, parmi les parfums, tout va être l'un sur l'autre. Et il sera au feu de l'enfer. Et les gens de l'enfer, ce sont les perdants. وقال تعالى أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Il est dit dans l'autre verset. Est-ce que vous croyez, vous allez être laissé comme ça sans être éprouvé, hein? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala sache ceux qui ont fait des efforts parmi vous et ceux qui n'ont pas pris d'alliés parmi les, hein, en dehors d'Allah et son messager parmi les mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce que vous faites. Hein? Donc aussi le fait de se particulariser, c'est une épreuve. Hein? C'est une énorme épreuve. Hein? وقال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au messager et lui dit, hein? Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné. Pourquoi tu l'auras autorisé? C'est-à-dire pourquoi tu l'auras autorisé de ne pas aller avec toi dans la bataille? Pour que apparaissent ceux, c'est-à-dire pour l'épreuve, tu aurais dû pas leur autoriser de s'absenter pour être éprouvé qui est véridique et qui, comme ça tu sauras qui est véridique et qui est menteur. Donc la part des choses doit être faite entre le bien et le mal. Hein? وقال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض الشك والشبه والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Il dit dans l'autre verset, hein, si l'hypocrite ne s'arrête pas, et ceux qui ont des doutes dans le cœur et des ambiguïtés dans le cœur, et ceux qui vous font peur en ville, hein, nous allons t'ordonner de les châtier, ils ne vont plus être tes voisins à midi. وقال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. Il est dit dans l'autre verset concernant les mécréants, ceux qui ont mécru, qui vous ont détourné, qui vous ont empêché d'arriver vers le Masjid al-Haram et qui ont empêché le sacrifice, hein, il a dit, d'arriver à être immolé à sa place, c'est-à-dire à la Mecque. Et s'il n'y avait pas parmi eux des gens croyants et des femmes croyantes, vous ne les connaissez pas et que peut-être, hein, si Allah il vous avait ordonné de les combattre, vous allez les tuer et ce sera un mal que vous auriez fait, hein, sans que vous le sachiez. Et il dit pour que Allah subhanahu wa ta'ala rende qui il veut sur sa sainte miséricorde. Et s'ils n'étaient pas là, c'est-à-dire si ces croyants n'étaient pas là, Allah aurait châtié, hein, ceux qui ont mécru d'un énorme châtiment. Ce chapitre il l'a ramené ici pour te montrer qu'il faut cette particularité entre le vrai et le faux, hein, et que, hein, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Pourquoi moi au milieu de tout ça je dois être comme ça? Là, l'islam te demande la particularité, hein, tu dois pas fondre dans la masse, hein, tu es sur la sunna, tu dois être particulier dans tes croyances, dans ton comportement, dans ta façon de faire, dans tout tu dois être particulier. Hein? C'est tout. C'est ce qui t'est demandé, c'est ce qui nous est demandé. Sinon, quand est-ce que le pauvre commun il va savoir la vérité du faux? Si tu te fonds dans la masse, si tu es avec monsieur tout le monde, tablir, ils arrivent, tu es avec eux. Les Ikhwan, ils arrivent, tu es avec eux. Les Ahbash, ils sont là, tu es avec eux. Les Tkfiri, ils sont là et tu es avec eux. Et etc., tu es avec eux. Quand est-ce que le pauvre commun, il va faire la différence? Dis-le-moi par Allah. Quand est-ce qu'il le fera, cette différence? Comment il pourra faire la différence? Hein? يقول الشيخ في الباب الرابع والعشرين بيان أن الاعتزال يكون عن الباطل وأهله. Le 24e chapitre, c'est que se retirer et délaisser, ça se fait au niveau des gens et au niveau des faux. Parce que certains disaient, bah, je suis avec lui mais je ne touche pas à sa bid'a. Je me préserve de sa bid'a. La yakhal islam. Tu t'éloignes de lui et de sa bid'a. Hein? Tu le mets à la quarantaine, lui et sa bid'a. Les deux, tu t'en éloignes. Hein? قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Hein? Il est dit dans le verset, si nous avons fait à chaque prophète des ennemis shayatin parmi les humains et parmi les djinns, et les uns révèlent aux autres des belles paroles, hein? Et si Allah le voulait, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les avec le mensonge qu'ils inventent. Laisse-les avec le mensonge qu'ils inventent. Laisse-les avec les mensonges, c'est-à-dire laisse-les eux et le mensonge. Les deux. وقال تعالى يحكي عن أصحاب الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Et là dans sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce comment ces jeunes se sont retirés, ils ont délaissé les mécréants, ils ont tout délaissé pour aller tout seul. Hein? Pour être particulier, et Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Dans la caverne directement. Et quand vous êtes éloignés d'eux, et ce qu'ils adorent, ils ne se sont pas éloignés d'eux, mais ils se sont éloignés d'eux et ce qu'ils adorent, les deux à la fois. Allez vers la caverne, Allah subhanahu wa ta'ala va vous étaler sa clémence. Hein? وقال الله تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. إيه الله سبحانه وتعالى نبارد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كي دي دي son peuple et je m'éloigne de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Pas tout simplement ici loin d'eux et de ce qu'ils font aussi, les deux à la fois. Je m'éloigne de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je vais demander à mon souverain, hein? Et quand il les a, il s'est éloigné d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé avec Ishaq et avec Yaqub, et tous sont des prophètes. وقال تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Et dans notre verset où il dit, vous avez le meilleur des exemples et le plus noble des exemples, dont Ibrahim, et ceux qui sont avec Ibrahim, quand ils ont dit à leur peuple, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Nous vous désavouons. Vous, est-ce que vous adorez? Pas tout simplement ce que vous faites, mais on vous désavoue, vous, est-ce que vous faites? Hein? La même chose pour nous, c'est le chapitre, il est là, c'est pour attirer notre attention, pour désavouer l'innovation et les gens de l'innovation. Alors, regarde, et notre meilleur exemple, dans ce verset, nous vous désavouons et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous mécroyons en vous et entre nous et vous, il y a la haine. À toujours, jusqu'à ce que vous croyez en Allah, uniquement. Sauf la parole d'Ibrahim qui a dit à son père, je vais demander, ah, je vais te faire dua et demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne. Et je ne peux rien pour toi chez Allah. Et il a dit, souverain, c'est en toi que nous faisons confiance et vers toi nous allons revenir. يقول الشيخ حفظه الله تعالى فبطل بهذه الآيات زعم بعض المتميعين أن المطلوب منا هو الاجتناب عن البدعة لا الاجتناب عن أهلها. Et الشيخ de nous dire ici que avec ces versets il t'apparaît clairement que ce que prétendent certains comme quoi ce qu'ils nous ont demandé c'est d'éviter l'innovation et pas les innovateurs, ceci est faux, leur prétention est fausse, hein? Ils nous ont demandé d'avouer et de s'éloigner de l'innovation et des innovateurs, les deux à la fois. فيقولون نأخذ عن أهل البدع ونجتنب عن بدعهم أو عن بدعهم أو بعبارة أخرى لنا علمهم وعليهم بدعتهم وقد جهلوا أو تجاهلوا عن مثل هذه الأدلة ونحوها التي فيها وجوب الاجتناب عن البدعة وأهلها والله أعلم. الشيخ دو ندير ils disent nous prenons, nous étudions chez les gens de l'innovation et on évite leur innovation. Avec une autre expression, nous prenons leur science et on délaisse leur innovation. Et ils ont ignoré, ou là, ils se font ignorer eux-mêmes. Ils veulent l'ignorer exprès. Hein? Hein? Ils ont ignoré, ou là, ils ont fait exprès d'ignorer ces preuves dans lesquelles il y a le fait qu'il est obligatoire d'éviter et de s'éloigner des gens de l'innovation et de l'innovation. Les deux à la fois, à l'islam. Les deux à la fois. Il ne faut pas être avec tout le monde. Moumaïa. Être avec tout le monde, ça n'existe pas. Tu veux être dans la sunna, il faut que tu sois avec les gens de la sunna. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ça n'existe pas, à l'islam. Il faut qu'il y ait une particularité. Il faut que tu t'éloignes du mal. Et le plus grand des mâles, après l'associationnisme, c'est l'innovation dans la religion, à l'islam. Hein? Et les gens qui font le plus de mal à cette religion, ce sont les innovateurs. Regarde le Khawarij, qu'est-ce qu'ils font subir à la communauté? Combien de sang ils font couler depuis Uthman ibn Affan jusqu'à nos jours? Regarde. Les Ikhwan, depuis qu'ils ont existé 100 ans jusqu'à maintenant. Hein? Regarde le mal qu'ils ont fait sur terre, que ce soit en Égypte, en Irak, au Maroc, en Algérie, partout. Que des dégâts. Regarde l'établir ce qu'ils font. Combien de jeunes en France, maintenant ça leur fait 10 ans, 15 ans, ils errent, ils s'endorment sur les réminents, tu es sur le sentier d'Allah, tu appelles vers Allah. Pas besoin d'aller travailler. Prends juste ça et tu y vas. Ça te suffit. Tu es un lieutenant sur terre. C'est pas un mal ça sur terre. Combien parmi eux négligent leur famille? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam ala. Il ne faut pas s'endormir à l'islam. Il faut être éveillé. La sunna veut de toi que tu sois éveillé. Et tu ne dois pas tout le temps te faire piquer. Rasulullah a dit, le croyant ne se fait pas piquer deux fois. De prendre la leçon. Et tout ce qui se passe devant toi, et ce qui est passé avant, ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a raconté dans le Coran du peuple, c'est pour que tu prennes la leçon. Que tu ne fasses pas comme eux. La même chose, tout ce qui se passe devant toi, ces gens que tu vois, etc., il faut que tu prennes la leçon, que tu ne sois pas comme eux, que tu sois particulier, que tu te cramponnes de toutes tes forces à la voix du puiseur d'Allah. Et sache que la voix du puiseur d'Allah, pour être sur l'islam véridique, celui qui tient à l'islam véridique, c'est comme quelqu'un qui a une braise dans la main. Si tu serres la braise dans la main, il va te brûler, donc tu es obligé de faire attention. Tes épreuves, elles sont là. Pour ne pas tomber dans l'égarement, pour ne pas tomber dans le filet des innovateurs et dans l'innovation à l'islam. ويقول الشيخ هنا آيات في الباب الخامس والعشرين آيات وأحاديث متفرقة في الباب. Des versets et des hadiths qui concernent ce chapitre. C'est-à-dire le chapitre, l'interdiction d'étudier chez les gens de l'innovation. Hein? قال تعالى في صفات المؤمنين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, hein, il décrit les descriptions. Qualité des croyants sont. Et ceux qui n'attestent pas au faux, le blâmable, que ce soit au niveau des actes, ce qui est haram, ce qui est illicite au niveau de la parole, au niveau des actes. Et quoi de plus grand mal que dire n'importe quoi dans le la religion d'Allah? Quoi de plus grand mal que de polémiquer sur les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans science? Quoi de plus grand mal et de plus faux que de dire des choses sur la sunna du prophète alayhi salam qui ne sont pas réelles? Hein? وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالكم ولكم أعمالكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Dans notre verset, quand ils entendent le faux d'un ignorant, ils se tournent, dit. Vous allez avoir, ils les disent à vous, vous allez avoir votre récompense, nous allons avoir notre récompense pour les actes que... Chacun aura la récompense qu'il mérite pour les actes qu'il aura fait. Et ils leur disent, de notre part, vous n'allez entendre que le bien. Et nous allons parler avec vous selon votre situation d'ignorant. فيقول الشيخ ففي هاتين الآيتين حد من الله تعالى بالإعراض عن اللغو وعن الزور ومن أعظم اللغو والزور وكلام أهل كلام أهل الأهواء فلا يحضر دروسهم ولا محاضراتهم. الشيخ de nous dire dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à se détourner et à s'éloigner du faux, des paroles fausses et de tout ce qui est blâmable, tout ce qui est interdit. Et parmi le plus grand défaut et le plus grand blâmable, c'est les paroles des gens de l'innovation. Tu n'assistes pas à leurs cours, tu ne vas pas à leurs conférences, tu n'achètes pas leurs cassettes, ni leurs CD, ni tu les propages, rien de tout ça. يقول وقد أخبر الله تعالى أن الشيء الذي خبث لا يخرج إلا خبيثا كما قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Et là, le Cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé que la chose qui est impure en soi ne peut donner que de l'impureté. Un innovateur, qu'est-ce qu'il va te donner? Ce verre là, je le mets, je verse de l'eau dedans. Quand il va déborder, qu'est-ce qu'il va déborder? De l'eau? Ou là, il va déborder de l'or? S'il y a de l'urine dedans, de la bouteille, il y a de l'urine et je verse de l'urine, qu'est-ce qu'il va déborder? Du lbel? Celui qui n'a pas une chose, il ne peut pas la donner. Et l'innovateur, il ne peut pas donner la sunna. Impossible! Impossible! L'innovateur, il te donnera l'innovation. Impossible. Il est dit dans le verset, et le pays, la terre, bonne, hein, ses fruits, tout sort avec l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans problème. Mais la terre qui est mauvaise, qui est impure, sort que de l'impureté. Et ainsi, il est dit, ne diversifions les versets pour des gens qui sachent reconnaître et qui sont reconnaissants. Hein? Donc il ne faut pas, à l'islam, croire que... Hein, ne te fais pas avoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a avertis des grands avertissements dans le Coran. La sunna du prophète, alayhi salam, la même chose. Et l'innovation et les innovateurs, tu vois, tout nous éloigner comme tu t'éloignes de la gale. La gale, c'est juste la maladie pour ton corps. Pourtant, t'as peur. Ben, l'innovation, c'est la maladie de ton cœur. Tu dois encore avoir plus peur que ça. Hein? Tu dois encore avoir plus peur que ça. Parce qu'il va détruire peut-être ton bon monde et le delà aussi. Parce que tu vas faire des choses que Allah ne t'a pas ordonné. Tu vas véhiculer des choses et propager des choses que Allah interdit. Tu vas innover dans la religion d'Allah. Et comme il a dit l'imam Malik, celui qui innove une innovation et qui croit qu'il est bonne, celui-là il dit que quoi Mohammed a trahi la législation. Tu veux être dans cette situation-là? Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa al-afiyah. يقول الشيخ ومن هذه الأدلة نهيه تعالى عن اتباع سبيل المفسدين كما قال تعالى حاكيا عن موسى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أي dans ce verset dont le Cheikh de nous dire et les preuves sont nombreuses pour nous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit le fait de suivre la voie de ceux qui font mal. Et quoi de plus grand mal que d'innover dans la religion d'Allah azza wa jal? Isa, Moussa alayhi salam, quand il est allé au rendez-vous, hein, et il a dit à son frère, représente-moi et sois à ma place jusqu'à ce que je revienne, et sois dans le bon chemin et ne suis pas le chemin des gens, du mauvais gens. Il lui a interdit de suivre les mauvais gens. Nous de même, on ne doit pas suivre les mauvais. Hein? Tout ce qui est mauvais, on doit s'en éloigner. Wa qala ta'ala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun. Et il dit, votre dua a été exaucée. A Moussa et Aaron, soyez de droit et soyez dans le chemin, prenez le chemin droit. Ils ne suivaient pas le chemin de ceux qui ne savent pas. Le chemin des ignorants. وَقَدْ أَبَانَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ أَمَاكِنَ أَهْلِ الضَّلَالِ كَانَتْ مُتَمَيِّزَةً عَنْ أَمَاكِنِ الصَّالِحِينَ فِي الْمِلَلِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَضْلًا عَنْ أَئِمَّتِنَا. فقال تعالى عن موسى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. الله سبحانه وتعالى nous a éclairé que les lieux des gens qui font le mal ils sont particuliers et les lieux des gens vertueux ils sont aussi particuliers. Dans les peuples anciens, déjà, avant cette communauté, dans les autres communautés. Et il est dit dans le verset que nous avons écrit, les planches. Dans les planches, toutes choses, et la grande exhorte en détail, et le détail de toutes choses, dit à Moussa, prends-la avec force, et ordonne à ton peuple de la prendre avec fermeté, et qu'il mette en application hein, de la meilleure des façons. Je vais vous montrer la maison des pervers. Après que Allah subhanahu wa ta'ala les a fait périr, il les a gardés comme exemple. Je vais vous faire montrer la maison des pervers, de ceux qui ont été mauvais, pour que vous preniez la leçon. Pour qu'on prenne la leçon. Et pour ceux qui vont venir après, prennent la leçon. Et non pas comme font les ignorants maintenant, ils vont. Ils s'y baissent devant, soi-disant, la civilisation pharaonique. Déjà, quand tu dis la civilisation pharaonique, tu es en train de faire l'éloge à la mécréance et à l'associationnisme. Tu fais l'éloge à l'associationnisme. Hein? Et certains innovateurs, maintenant, de nos jours, à Bruxelles, etc., ils prennent, parmi les prêcheurs, ils prennent les élèves pendant les vacances scolaires pour avoir toutes ces subventions, etc. Ils les amènent en Égypte visiter les pyramides et les temples de Toutankhamon, de Toutankhamon, etc. Les temples de la mécréance. Et où est-ce qu'on va? Où nous allons? Hein? Allah al-Musta'an. Fahbara, parce que les endroits des mécréants, tu dois les voir et tu dois avoir peur et pleurer pour qu'ils t'arrivent, parce qu'il leur est arrivé. pas aller être ébahi devant les dessins, devant la beauté de l'architecture. Ça veut dire quoi? Hein? فأخبر سبحانه وتعالى أن لهم دورا خاصة يعرفون بها. الله سبحانه وتعالى nous a annoncé que les mauvais, ils ont droits particuliers, des maisons particulières par lesquelles ils sont reconnus. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Il est des gens qui achètent les choses, là où le hadith, c'est tout ce qui va détourner de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui va détourner les cœurs du bien. C'est pas le rina. Dans certaines versions, c'est le rina. Mais c'est pas le rina, tout simplement. C'est tout ce qui va détourner. Le rina fait partie. Et tout ce qui va détourner de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va détourner les cœurs du bien. Et le rina fait partie. Ils achètent ces paroles qui détournent de l'invocation d'Allah et qui détournent les cœurs du bien, etc., pour égarer de la voix d'Allah, sans science. Et aussi, ils donnent le dos à la parole d'Allah et au verset d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ils se moquent, et ceux-là auront l'énorme châtiment. Yaqul le Cheikh. وأما الأحاديث فمنها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أخرجه أبو داود وغيره وهو في الصحيح المسند والمشكات. Et quant au hadith du Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, fait partie du hadith, ce qui a été confirmé du authentique du prophète alayhi salatu wasalam, comme le hadith de Imran ibn Hussein, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui entend parler du Dajjal et qu'il s'en éloigne. Par Allah, l'homme, il arrive vers Dajjal, et avec les choubouhats qu'il a, il le prend. Avec le choubouhat qu'il a, il le prend avec. Il croit qu'il est sur le bien, etc. Et il le prend. Certains, maintenant, j'ai entendu, et malheureusement, même Hada, il étudiait à la faculté de Médine, de la Mecque. Il m'a dit l'été dernier, si Tariq Ramadan exprime les mêmes choses que j'exprime d'une autre façon, qu'est-ce qu'il exprime Tariq Ramadan, Tallah Yedik, beaucoup de ce qui sort de la tête de Tariq Ramadan est du domaine de la mécréance. Je ne dis pas qu'il est mécréant, mais je dis du domaine de la mécréance. Comment ça tu... C'est quoi? Vous voyez un petit peu... Pourquoi? Parce qu'il se fait avoir par la belle parole. Ya akhir Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit inna min al-bayan ila sihra. L'éloquence, c'est une forme de magie. Andak. Alors la situation n'est pas aussi simple que ça. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam t'a éclairé, t'a donné des repères. Comment Andak, il faut dire, il faut lapider ceux qui sont dans l'adultère, c'est de la barbarie. Subhanallah. Allah, il l'a dit dans le Coran, t'as tout dit, c'est de la barbarie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est akhi. C'est un hukm min Allah. Et tu parles ainsi du hukm d'Allah, Azza wa Jal. Et toi, tu viens et tu me dis, qu'est-ce que tu as étudié dans ce cas-là? S'il exprime les mêmes choses que moi, mais d'une autre façon, alors tu exprimes les futilités comme il les exprime, alors, dans ce cas-là. Faut faire très attention. Djal, il a dit choubouhat. Et croyons et tout, il va croire que Hada, que si un croyant va le suivre, il va le remplir de choubouhat, il va lui faire périr sa vie. Les innovateurs sont du même, après beaucoup de choubouhat, ils t'induisent en erreur, et certains parmi eux sont des grands éloquents. Ils ont de l'éloquence, ils te font tourner en girouette. Certains, tu restes avec lui, il te parle, au bout d'une heure, t'as oublié la voie sur laquelle tu étais. Tu y retournes et tu retournes. L'éloquence est l'art de la manipulation. L'islam, Faire très attention. Wallah et subhanallah, certains, je sais pas, est-ce qu'ils ne leur font pas des stages de manipulation? On se demande. Parce que subhanallah, quand tu les entends parler, etc., et comment les jeunes tombent dans leurs mains, hein, qu'ils les prennent en secret, ils leur font des, Allahu ta'ala, ils leur font des stages pour devenir manipulateurs. Allah subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afi. قال ابن بطة رحمه الله في الإبانة بعد أن أخرج هذا الحديث هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فالله الله معشر المسلمين لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل الأهواء. Ibn Battah, dans l'Iban, quand il a ramené ce hadith, il dit, concernant ce hadith, ça c'est la parole du messager d'Allah, qui est le véridique, qui n'a dit que la vérité. Par Allah, assemblée de musulmans, que quelqu'un ne soit pas imbu de lui-même, et qu'il ne croit pas qu'il est fort, hein, et que ce qu'il sait, ce qu'il connaît ne le pousse pas à aller jouer avec sa religion et à mettre en danger sa religion en s'asseyant avec les gens de l'innovation. Hein? Andak. Hada. Ça, c'est la parole des imams qui conseillent la communauté. Et qui ont compris ce que ça veut dire, ad-din un-nasiha, la religion c'est le conseil. Il donne ce conseil à la communauté pour s'éloigner, pour ne pas jouer, qu'on ne joue pas avec notre religion. Fayaqulu ibn Battah rahimahullah, fayaqulu udakhiluhu li unadhirahu aw li astakhrij minhu madhhabah. Yaqulu rahimahullah fa innahum ashadd fitnatan min ad-dajjal. وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. Il dit رحمه الله تعالى, la personne va se dire, je vais débattre avec eux pour le sortir de la voie dans laquelle il est. Il dit, ils sont pires au niveau de la fitna que le Dajjal. Pires au niveau de la fitna que le Dajjal. Et leurs paroles se collent plus que la gale. Et brûle les cœurs plus que les flammes. يقول ورقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. انتهى كلامه رحمه الله. يدي جكوني جيبي دي بيرسون. Un certain nombre de personnes qui les maudissaient, c'est-à-dire ils maudissaient les gens de l'innovation. Et ils les insultaient, et ils ont commencé à s'asseoir avec eux, soit par la voix du fait de blâmer la situation dans laquelle ils sont, et de leur répliquer. Et tout d'un coup, la sympathie a commencé à venir par la manigance, parce qu'ils savent manigancer, ils savent ruser, ils savent manipuler, et ils sont restés avec eux. Ils sont devenus des leurs. Hein? Quand il s'agit de quelqu'un qui a la science, il lui arrive ainsi. Moi et toi qui n'avons pas de science, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va nous arriver? Tourner en gerouette. Hein? Fa médite ces paroles de Ibn Battah rahimahullah ta'ala. Et médite ceux qui nous entourent maintenant, qui veulent débattre avec tout le monde alors qu'ils ne font pas la différence entre l'os du poignet et la cheville, et l'os de la cheville. Hein? La différence est énorme. Et pourtant, ils jouent avec sa religion. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans notre religion. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله قلت فهذا إذا جالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم فكيف إذا جالسهم على سبيل الأخذ والدراسة عندهم. Il dit حفظه الله تعالى الشيخ عبد الله هذا quand il va il lui arrive ceci quand il va s'asseoir avec eux, il le retourne, il devient commun quand il va pour les blâmer et pour leur faire les répliques. Mais qu'est-ce qu'il en est quand il va s'asseoir et apprendre chez eux? Quand tu vas sortir comme ça, tu vas être rempli du choubouhat. Hein? Combien de nos jeunes frères ont quitté hein, certaines régions de France, d'Europe, etc. pour aller au Maroc. Et petit à petit, sympathisent avec les Mraou, etc. Ils sont devenus comme eux. Ils apprennent le Coran avec eux. Ils sont devenus comme eux. Avant, ils étaient dans la clarté de leur voix. Maintenant, ils ne font plus la différence entre Abu Ishaq et Cheikh Rabi'. Pour eux, c'est la même chose. Encore, ils disent que Cheikh Rabi' c'est un fitnah l'aïdine billah, alors que c'est eux qui sont tombés dans le fitna et c'est eux les fitanines. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afir. Andak. Les exemples sont nombreux. Les pauvres, ils tombent comme les papillons. Tu vois, quand tu es dans un campement et tu as allumé le feu la nuit, hein, et tu as les papillons, tu entends parfois tchit, hein, quoi, comme s'ils tombent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su garder leurs limites, hein, entre eux, les enseignants. Parmi les gens de l'innovation, ils sont tombés comme. Hein? Certains, ils ne jurent que par eux maintenant. Il n'y a qu'eux sur terre. يقول الشيخ حفظه الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب على صاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله والحديث أخرجه أبو داود وغيره وصححه الألباني في السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى Il est cher de nous dire, nous a été confirmé du prophète alayhi salatu wassalam, comme il est rapporté, comme il a été authentifié par Cheikh Nasser dans Sunnah ibn Abi Asim. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, va sortir dans ma communauté des gens, c'est les passions qui les font courir, qui les font bouger dans tous les sens, comme fait la rage du chien. La rage quand il attend, hein? Quelqu'un, la rage quand quelqu'un est mordu par un chien qui a la rage il va l'atteindre dans tous ses vaisseaux, dans tous ses membres, il va être atteint. Ben, ceux de l'innovation, ils font ainsi, ils sont ainsi. L'innovation les atteint partout, c'est elle qui les fait courir, et qui les fait bouger, et qui les fait parler, etc. Regarde cette image que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a donnée. Et cette comparaison entre la rage et les innovations. Regarde cette comparaison entre la rage et. Et l'innovation. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et c'est la parole du prophète alayhi sallam qui est le véridique qui n'a dit que la vérité. Qala Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala wa fi hada at-tashbih fawaid. Le Mubarak Furi rahimahullahu alayhi, il dit dans cette ressemblance qu'a fait le prophète alayhi sallam, il y a des points à retenir. التحذير من مقاربة تلك الأهواء ومقاربة أصحابها. L'avertissement contre le fait de s'approcher de ces innovations et des gens de ces innovations. Première chose à retenir. وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى. Et l'éclaircissement sur ça, c'est que la rage est contagieuse. Ce qui veut dire aussi que l'innovation est contagieuse. فإن أصل الكلب واقع في الكلب car à l'origine de la maladie de la rage il est dans le chien ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا صار مثله ولم يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا بالهلكة et quand le chien qui a attrapé la rage il mord quelqu'un il devient comme lui atteint de la rage et des fois ça va jusqu'à sa perte فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم من غائلته. Et il dit rahimahullah, il en est de même de l'innovateur quand il jette son ambiguïté, sa problématique chez quelqu'un et dans l'esprit de quelqu'un, il va pas sortir sain comme ça de cette situation. Ça va l'atteindre. بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته، وإما أن يثبت في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر. Il dit là, peut-être que Hadal innovateur, quand il va lui jeter cette idée, soit la personne va tomber directement dans la même voie que cet innovateur, ça il devient comme lui, un de ses disciples, il est avec. Soit, même s'il ne tombe pas comme lui, dans son cœur va être tacheté d'une ambiguïté, d'un doute. Il veut s'en séparer, il n'y arrive pas. Combien de nos frères ils sont comme ça? Combien de frères ils te ramènent, disent, bon, quand tu cherches et tu discutes avec lui, tu vois qu'il a passé la soirée avec un tkfiri, hein, ou avec un tbliri, ou avec un habashi, etc. Et il l'a bourré. Et ça lui est resté. Tu n'es pas épargné à l'islam. Yaqul le cheikh, rahimahullah, hada bi khilaf il ma'asi. Il dit, ça, c'est pas comme les désobéissances. C'est-à-dire que l'innovation est plus dangereuse et les innovateurs sont plus dangereux que les désobéissants. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger la désobéissance, abedan. C'est pour montrer le danger. Il y a un danger plus fort et un danger moindre. فإن صاحبها لا يضاره ولا يداخله فيها غالبا إلا مع طول الصحبة والأنس به. Parce que si tu es avec quelqu'un qui est dans la désobéissance, il va pas te faire du mal du premier coup. Mais le fait d'être avec lui très longtemps, peut-être tu vas tomber avec lui dans la même désobéissance. Contrairement à l'innovateur, tu vas gober tout de suite, tu tombes tout de suite. Ou alors, si même tu ne gobes pas, tu ne tombes pas avec lui, l'ambiguïté se colle. À l'intérieur, tu n'arrives pas à t'en défaire. يقول وقد أتى في الآثار ما يدل على هذا المعنى فإن السلف صالح نهوا عن مجالستهم ومكالمتهم وكلام مكالمهم وأغلظوا في ذلك. انتهى كلام مبارك فوري رحمه الله تعالى. Dit, et beaucoup de preuves qui prouvent ce sens-là. Salaf, رضوان الله عليهم, ont interdit le fait de s'asseoir et d'être en compagnie des innovateurs, de leur parler et de parler à ceux qui leur parlent. Et ils étaient fermes là-dessus. Parce que si tu parles à celui qui leur parle, ça va être ton intermédiaire à l'ambiguïté. Lui qui est tout le temps qui discute avec eux, tu crois qu'il est épargné, qu'il n'est pas tacheté? Ben la chose avec laquelle ils l'ont tacheté, il va te la transmettre. D'où, hein, les salaf radhiyallahu anhum, ils étaient sévères et fermes là-dessus. Et regarde maintenant la clairvoyance que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux imams de l'islam. Cheikh l'islam, le témoin, rahmatullah, il y avait une bande de brigands qui coupaient la route aux caravanes. Hein? Qui coupaient la route aux caravanes. C'est une grande désobéissance là. C'est un péché capital de voler les gens, de les tuer, de leur prendre leurs biens, de leur faire peur, de les terroriser. Hein? Un jour, ils ne le faisaient plus. Un homme est venu voir Cheikh l'islam, le Thémi, lui a dit, la bande dont on parle de brigands, ça y est, ils ont terminé, ils ne font plus rien. Il y a la sécurité sur la route. Il a dit, comment ça se fait? Il a dit, il y a un cheikh d'une tariqa. Il les a pris et ils se sont guidés sur sa main et il les retient dans une confrérie avec de la flûte. Hein? Il les a rentrés, ben ils se sont repentis, etc. Mais ils ont pris un chemin qui ne fait pas partie de la religion, qui n'est pas partie de la sunna. Regardez maintenant, cher l'islam, le Taïmi, rahmatullahi alayhi. Cher l'islam, le Taïmi, rahmatullahi alayhi, il dit, je préfère qu'il reste des brigands à couper la route que de rentrer dans cette ignorance et dans cette innovation dans laquelle ils sont rentrés. Pourquoi? Tu crois que cheikh l'islam ne prend pas en considération la désobéissance et les mauvais actes qu'ils font? Abadan. Mais c'est parce que tant que le désobéissant, il est dans la désobéissance, il a du remords dans son cœur. ça, ça le mord. Il sait que c'est pas bien. Mais quand il rentre dans l'islam, il ne rentre pas par la bonne porte, il rentre par l'innovation. Il croit qu'il a la porte du paradis, qu'il a les clés du paradis, il est tranquille. Il n'y a plus de remords à l'intérieur. C'est pour ça que Cheikh l'Islam a dit ça. Ça ne veut pas dire que salaf négligeait la désobéissance. Ebeden. Mais tout simplement pour te montrer le danger, où est-ce qu'il est. Parce que hada, tu rencontres, toi tu fais l'expérience, quand tu pars, hein, tu rencontres des fois des petits jeunes, au pied des escaliers, tu leur parles, etc. Ils, des fois ils te voient, ils cachent tout le mauvais qu'ils font, que ce soit l'alcool, que ce soit leur pétard, etc. Ils cachent tout. Mais tu leur parles, tu finis de dire, ah, Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Parce qu'il sait en fort de lui-même que c'est pas bien. Mais maintenant, prends un Sofi, prends un Habashi, prends un Tbliri, tu vas lui dire, ah ouais, sur le vrai, il a, le paradis lui appartient. Il est sur la vérité. Et c'est toi qui dis lire. Et c'est toi qui dis n'importe quoi. Hein? La différence, il est énorme. C'est pour ça que, il ne faut pas croire quand les imams donnent des exemples comme ça, qu'ils ne prennent pas en considération la néglige, ou là, ils poussent à la débauche, ou là, à la désobéissance. Abadan akhal islam. C'est pour te montrer le danger là où il est. Il a forte, hein, et là où il y a le plus grave danger. Tout simplement. Mais en tous les cas, l'innovation est dangereuse, et très dangereuse dans le dîn. Les péchés capitaux aussi sont très dangereux pour la personne. Aucun doute là-dessus. Et les imams sont unanimes là-dessus. Mais le danger de l'innovation est énorme. يقول الشيخ وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به رواه البخاري رحمه الله إيه concernant ce chapitre. Un hadith d'Abu Huraira rapporté par l'imam Bukhari. Le Rasoul a dit il va y avoir des fitnes. Celui qui est assis au moment de la fitna est mieux que celui qui est debout. Et celui qui est debout au moment de la fitna est mieux que celui qui marche. Et celui qui marche au moment de la fitna est mieux que celui qui court. Et celui qui va s'exposer à la fitna, hein, il va l'attraper, la fitna. Il va pourvoir qu'est-ce que c'est, etc. La fitna va l'attraper. Hein? Et celui qui trouve un refuge pour se protéger de la fitna, qu'il le prenne. Hein? Et la fitna de l'innovation est énorme, à l'islam. Il faut que tu t'en éloignes. Il faut que tu t'en éloignes. Yaqul, Cheikh Hafidhahullah, والشاهد من هذا الحديث أن الفتنة على قسمين فتنة في الدين وفتنة في غير الدين et Cheikh Abdallah Hafidhahullah Ta'ala il dit que la fitna dans ce hadith est de deux sortes, la fitna dans la religion et la fitna qui ne concerne pas la religion. ففتنة الدين أشد وأعظم من فتنة الدنيا وغيرها. La fitna dans la religion est pire et plus grave que la fitna dans autre chose, dans ce bas monde et dans autre chose. Wal hadith am, et le hadith il est général, son sens est général. فمن كان مفتونا في دينه وصار من أهل البدع فلا يجوز لك أن تسعى إليه ولا أن تمشي إليه فضلا أن تجلس عنده وإن استشرفت ما عنده من الفتن تستشرفك فتصير من الهالكين. الشيخ de dire et le hadith il est général, son sens est général, il englobe la fitna ديال الدين, la fitna ديال الدنيا. Il dit quant à celui qui imftoune dans sa religion et qui est devenu parmi les gens de l'innovation, il n'est pas permis que tu ailles vers lui, que tu accours vers lui, ni que tu marches vers lui, ni que tu t'assoies chez lui. Et si tu vas voir ce qu'il a comme fitna, sa fitna va te tirer et tu vas devenir parmi ceux qui vont perdre. Hein? Parce que le fitna et shubuhat et l'innovation, ils ont quoi? L'effet de l'aimant. Chut. Tu vas pour voir et après tu y tires. وأخرج أبو داود من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال ويم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. Il est rapporté chez Abi Daoud le hadith de Miqdad ibn al-Aswad, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Adan Miqdad, il dit j'ai entendu le prophète, hein, il dit par Allah, j'ai entendu le prophète, le messager d'Allah dire l'heureux c'est celui qui est épargné de fitan. L'heureux c'est celui qui est épargné de fitan. Et celui qui est éprouvé avec et qui endure, hada. يقول وتبت من حديث فضالة بن عبيد أن فضالة كان يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبلد العيش بعد الموت ولدة النظر في وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وزعم أنها دعوات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهن. Et il a été confirmé de Fudala ibn Ubayd que Fudala disait oh Allah, je te demande d'agréer le destin. D'agréer le destin. Et que j'ai une bonne vie après la mort. Une bonne vie après la mort. Et le plaisir de voir ton noble visage. Et l'envie de te rencontrer, hein, sans que je sois perturbé par un égarement. Hein. Et il prétendait, rahimahullah ta'ala, que ça c'était des du'a que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait. Ils sont rapportés dans le Sahih al-Jami' de Cheikh Nasser, rahimahullah ta'ala. وجاء عن جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون وهذا في السلسلة الصحيحة. Il a été rapporté par un certain nombre de compagnons, رضوان الله عليهم, comme il est rapporté dans la chaîne des authentiques de Cheikh Nasser, rahmatullah alayh. Rasoul صلى الله عليه وسلم a dit ce qu'il avait le plus peur pour sa communauté, les imams égareurs. Hein? وقال الإمام الوادعي في كتابه الجامع الصحيح باب البعد عن أصحاب الأهواء ثم ذكر حديثا عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. إيه l'imam al-Wadi'i, Cheikh Mukhbir, rahimahullah ta'ala, dans son livre Jami' al-Sahih, qui est un énorme recueil de hadith, a mis un titre, le fait chapitre s'éloigner des gens de l'innovation. Et il a cité un hadith de Qutba ibn Malik, radiyallahu anhu, dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam faisait ce dua, où Allah, fais-moi éviter le mauvais comportement, et le comportement blâmable, et le mauvais acte, et fais-moi éviter les innovations et les maladies. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de l'éloigner, de lui faire éviter. وأخرج الإمام أحمد والطبراني في الصغير وابن أبي عاصم في السنة عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مما أخشى عليكم بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء. ها والحديث صحاه الإمام الألباني رحمة الله عليه في السنة لابن أبي عاصم. الإمام أحمد أنسك طبراني دون الصغير ابن أبي عاصم دون السنة يسوع بقتي دبي برز الأسلمي الرسول صلى الله عليه وسلم دي la chose que j'ai plus peur pour vous après moi c'est vos ventres, vos parties intimes et مضلات الأهواء les innovations qui égarent les ventres. Ah, parce que ça peut pousser la personne à tomber dans le haram. Les parties intimes, parce que aussi la tentation peut le pousser à tomber dans le haram. Et les innovations égareuses. Regardez les trois choses. وإلى غير ذلك مما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الأهواء ونحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نستعيذ بالله مما استعاذ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعقل أن نستعيذ بالله من شيء ثم نسلك الطرق المؤدية إليه فإذا استعذنا بالله من البدع والأهواء ثم جلسنا عند أهل البدع ندرس فهذا يعتبر تناقضا منا والله المستعان هنا قب بيان le message que fait passer le cheikh ici et le commentaire qui fait passer le cheikh ici il a dit d'autres hadiths qui prouvent que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le protéger des innovations. Et nous, il nous est demandé de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il est de notre devoir, il est obligatoire pour nous, hein, de demander refuge, de chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a fait notre prophète alayhi salatu wassalam. De quoi? Des innovations. Et ce n'est pas pensable que de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger d'une chose et tu prends le chemin qui va t'amener à cette chose. C'est impensable. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger des innovations et des passions, et après tu t'assois pour apprendre chez les gens de l'innovation, ça c'est une contradiction. Allah al-Musta'an. Tu fais le dua. Et en même temps, tu vas et t'assois sur l'homme de l'innovation pour apprendre chez lui. C'est de la contradiction, à l'islam. Hein? Wa fi sahihi muslimin. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qala 'arrasna ma'a nabiyillah sallallahu alayhi wa sallam falam yastayqid hatta tala'at ash-shams. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان الحديث وفي لحظ وفي لفظ ارتحلوا والحديث عند مسلم فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب ارتحالهم من ذلك المكان هو أن الشيطان قد حضر فيه والأماكن التي يدرس فيها أهل البدع بدعهم لا شك أن الشيطان قد حضر فيها فينبغي عدم البقاء فيها ويجب الارتحال منها لهذا الحديث وعليكم السلام إذن الأوتنتيك دو مسلم أبو هريرة رضي الله تعالى أدي Nous avons passé la nuit avec le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un campement, ils étaient en voyage là, en compagnie pour là une bataille ou autre. Et le matin, ils se sont levés qu'une fois que le soleil s'est levé. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que chacun tire sa monture, qu'on parte de cet endroit, parce que dans cet endroit, Shaitan était présent avec nous. Dans une version, allez, dépêchez-vous, qu'on quitte cet endroit. Cher de dire, Habibullah Ta'ala, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a montré que la cause du fait qu'ils doivent quitter cet endroit, c'est que Shaitan était à cet endroit, était présent avec eux. Et les endroits où les innovateurs enseignent leur innovation, il n'y a aucun doute que Shaitan y est présent. Donc il ne faut pas y rester. Il faut s'en éloigner. Il ne faut pas y aller. Il faut déclarer pire de là. Hein? Ça, c'est la compréhension de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la clairvoyance dans la religion. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المنار رواه مسلم. الشيء Imam Muslim, rahimahullah, Ali, il a dit, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a maudit celui qui égorge pour autre qu'Allah. Allah a maudit celui qui accueille, qui accueille un innovateur. Allah a maudit celui qui a maudit ses parents. Allah a maudit celui qui a changé, c'est-à-dire, sa terre, il est proche d'une terre de quelqu'un. Il a changé la limite pour prendre un peu de la terre de l'autre. قال أبو السعادات عند قوله محدثا يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وآجره وأجاره من خصمه وحال بينه وبين من يقتص منه وبالفتح والأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقرها وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه انتهى كلامه رحمه الله أبو السعادات dit que dans la lecture de محدث se lit de deux façons محدثا ومحدثا en tous les cas quand il a le AO quand il est منصوب c'est la chose innovée. Et cela, ça veut dire que il a accueilli cette personne qui a innové cette chose. Et il a patienté. Et dans ces cas-là, il a agréé son innovation. Il l'a approuvé. Et il ne l'a pas blâmé, il ne l'a pas. Il lui a donné refuge. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il dit le hadith ? Il est maudit. Allah subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. Wa min hadha al-bab nahyuhu sallallahu alayhi wa sallam an ityan al-kuhhan. Qad bawwaba al-imam an-nawawi kama fi sharh sahih Muslim bab tahrim al-kahana wa ityan al-kuhhan 'inda hadith Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami qala qultu ya Rasulallah أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان قال فلا تأتي الكهان الشيخ de dire fait partie du chapitre aussi l'interdiction qu'a fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam d'aller voir les devins qui disent là l'avenir il dit l'imam Nawawi rahmatullah alayhi a ouvert son chapitre l'interdiction d'aller voir le kohan avec le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami qui a dit Ya Rasulallah, des choses que nous faisions pendant la période pré-islamique, nous allions vers les devins. Rasulallah s'en a dit, n'y allez plus. وفي صحيح مسلم أيضا عن صفية عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. Et dans l'authentique de Muslim, Safiya le rapporte certaines femmes du prophète عليه الصلاة والسلام Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui va voir un arraf, l'arraf par exemple t'as perdu quelque chose, tu vas le voir il utilise son charlatanisme pour te dire si la personne telle ou la ta chose elle est dans tel endroit et celui qui va voir son arraf sa prière, il lui demande quelque chose sa prière ne lui sera pas acceptée pendant 40 nuits وفي الباب حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد علقه البخاري عن أبي هريرة بعد حديث Et dans le chapitre aussi, le hadith de Abi Huraira chez l'imam Bukhari qui dit Sauve-toi de celui qui a la gale, qui a la lèpre, comme tu te sauves du lion. Yaqul al-Sheikh Hafidhahullah والعلاقة بين هذا الحديث وبين هذا الباب واضحة وهي أن الأمراض على قسمين أمراض الجسم وأمراض القلب وأمراض القلب أخطر وأشد من أمراض الجسم بلا خلاف عند العلماء والعقلاء والمجدوم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفرار عنه من القسم الأول فكيف إذا كان مريض القلب فلا شك أن الفرار عنه أولى من الفرار من مجدوم الجسم La relation entre ce hadith et notre chapitre est claire, c'est que les maladies sont de deux sortes, maladies du corps et maladies du cœur. Et la maladie la plus dangereuse, c'est la maladie du cœur. Il n'y a aucun doute chez les gens de science, aucune divergence. Et ceux qui sont doués de raison. Celui qui a la lèpre, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, t'a demandé de fuir de lui. Il a juste la maladie du corps. Qu'on est de quelqu'un qui a la maladie du cœur, c'est-à-dire les ambiguïtés. Il n'y a aucun doute que le fait de se sauver de lui, de ne pas l'approcher, est encore plus que de se sauver de quelqu'un qui a la maladie du corps. La même chose, le kahan et l'arraf ici. Parce qu'ils ont des maladies dans le cœur. Et il va te donner quoi? Il va te faire un. Il va détruire tes croyances. C'est pour ça que l'Assemblée a évité, elle nous a interdit de s'éloigner d'eux. Parce qu'il détruit ta religion à l'islam. يقول واخيرا فقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة رواه الإمام أحمد وأخرجه ابن ماجه والحاكم رحمة الله عليهم جميعا إيه الشيخ دودير يا لفا Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai quand il a dit avant l'heure, avant la résurrection, il y aura des années traîtres. L'année n'est pas traître, mais ce qui se passe, les gens, leur acte, etc., qui sont ainsi. Ou le menteur, on va le prendre comme véridique. Et le véridique, on va le prendre comme menteur. Et celui qui est digne de confiance, on ne lui fera pas confiance. Et celui qui n'est pas digne de confiance, on lui fera confiance. Et Rouaïbida va parler. Rouaïbida va parler dans quoi? Dans les choses de la religion. L'insensé va parler sur les choses de la communauté. Hein? L'insensé va parler sur des choses qui sont plus grandes que lui. Aucune science, l'ignorance totale, il va parler des choses qui concernent toute une communauté à l'islam. Hein? Ce hadith aussi te prouve la véracité de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Combien ce hadith voit, se vit actuellement? Regardez, vous donnez un exemple qui est clair et net. Les hommes de science dignes du nom comme Cheikh Nasser, Cheikh Mohammed Salih al-Taymi et Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhim, quand il y a eu les événements d'Algérie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Abstenez-vous, ne rentrez pas dans la fitna, n'allez pas, ceci, cela. Et les insensés sont allés chercher des verdicts pour prouver le mal qu'ils vont faire et égorger les musulmans et les innocents comme ça dans les rues. Chez qui? C'est un autre insensé, là-bas en Angleterre, qui est à Abu Qatada. Et l'insensé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le verdict du fait d'éventrer les ventres, de tuer les enfants, de tuer tout le monde. Est-ce qu'est-ce qui est arrivé? Alors le hadith, les paroles du prophète sont claires et nettes. Il te prouve, il y a plein de hadiths que nous vivons maintenant, qui te prouvent la véracité de notre prophète. Et actuellement, il ne faut pas qu'on ait les gens sans ce frère en Allah Azza wa Jal. On a encore des hommes de science qui sont vivants. Al-Rudayyan, Habidahullah. Hein? Le Mufti, Abdelaziz Al-Sheikh, Habidahullah. الفوزان حفظه الله الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله الشيخ عبيد حفظه الله الشيخ محمد الهادي المدخلي حفظه الله تعالى son éminence celui qui porte l'étendard de la réfutation الشيخ ربيع حفظه الله تعالى الشيخ زيد et au Yémen aussi les hommes de science du Yémen الشيخ يحيى et les autres et pourquoi aller chercher chez les insensés ils sont présents. Pourquoi laisser la source? Hein? Et aller chercher sa perte. Et aller laisser la clarté de l'eau. Et aller boire dans le trouble. Hein? Aller chercher le trouble, c'est qu'on veut notre perte. Yaqulu Sheikh fahaulai ulama al-sunna. فيتركهم بعض الناس فيذهبون إلى الخونة من المبتدعة وغيرهم والله المستعان. الشيخ دودير حفظه الله تعالى في fin de ce paragraphe. Ah là, les hommes de la sunna sont là. On les laisse de côté et on va voir les traîtres parmi les innovateurs et autres. Hein? On arrête là, inshallah, jusqu'à le maghrib, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا